On n'est pas du même groupe sanguin, pas du même crew. Cousin la même haine. Haute scène. Illégal comme les armes et la cocaïne. Lunatique. C'est quand c'est un problème, qu'attendre un du système va 200. Quand j'en ai marre, je fais mon argent dans la marche. Avec Ali Bouba le flingue et son chargeur, j'entraide défoncer. Et je m'en bats les couilles des conseils. Y'en a qui shootent, moi c'est le shit et sauce arachide. Les sexes banals, je tape ma galère à la machine. Exo et Rypnol, c'est le rejeton. Qui viennent te dire que la terre est belle, ronde comme un caston. Y'a des foires et des faibles, hardcore et des fables. Les roses c'est fabuleux, mais quand t'arrêtes, faut redécorer. La vie c'est dur, ça fait mal dès que ça commence. C'est pour ça qu'on pleure tous à la naissance. Et en plus ils veulent qu'on dégage. Après ces fils de pute s'étonnent quand y'a des clous dans les bouteilles de gaz. Tellement de merde ici, peu de toilettes. Le 9 mars 200, avec Aélim on sent ça trois lettres. La cam parle, c'est devant le train que tu fais des murmures. Cousin, mais ton gilet par string, car si tu meurs, j'meurs. One L-O-V-E, j'veux pas te voir mon oraclo. Nicro mélange ta coca de l'eau. On n'est pas du même groupe sanguin, pas du même crew. Cousin la même haine. Haute scène. Illégal comme les armes et la cocaïne. Lunatique. Haute scène. Pas mon groupe sanguin, pas du même crew. Cousin la même haine. Haute scène. Illégal comme les armes et la cocaïne. Lunatique. Haute scène. Plus on avance et plus les épreuves viennent. Là que les vraies têtes retiennent les liens et que les traîtres font en sorte que l'unité ne reste qu'à moi une idée. Peu importe que tu sois seul ou au comité, on finira tout sous le sol. Pour l'instant au-dessus, insiste à faire les choses bien. Le but final est céleste. Cause pour les miens, soldats universels vivant dans un environnement funeste, néfaste. Le béton est comme une tombe pour les faibles. Beaucoup de bouffons veulent bluffer. Vive de fable, j'acte trop. Agir ou mourir est la règle, accro de violence. Les faits divers s'alternent comme le jour et la nuit. La rue materne, la délinquance, le crime paix. Loin d'arriver à son terme. International langage, celui des armes. Du ministère de la défense au ministère vendeur de défense. Tu pour des intérêts, la mort n'est pas un mystère. Le sang désaltère, le soif de vengeance tiré en terre. Qui est l'homme? Celui qui prend la vie ou la donne. Celui qui s'élève pour le paradis béni. Ou celui qui s'enfonce vers l'enfer damné. Haute scène. On n'est pas du même groupe sanguin, pas du même crew. Cousin la même haine. Haute scène. Illégal comme les armes et la cocaïne. Lunatique. Haute scène. Pas mon groupe sanguin, pas du même crew. Cousin la même haine. Haute scène. Illégal comme les armes et la cocaïne. Lunatique. Haute scène. Pas mon groupe sanguin, pas du même crew. Cousin la même haine. Haute scène. Illégal comme les armes et la cocaïne. Lunatique. Haute scène. Pas mon groupe sanguin, pas du même crew. Cousin la même haine. Haute scène. Illégal comme les armes et la cocaïne. Lunatique. Haute scène. Groupe illégal. Groupe sanguin. Haute scène.